Kaira. Ok. Kaira. Ouais. J'ai grandi en banlieue, pas sur les Champs-Élysées. Tirer une croix sur l'école pour croquer les billets. J'ai pris la langue de Louis XIV, je l'ai remixé. Mon style devrait faire la une du journal télévisé. Représenter, briller, c'est ma destinée. Tu peux me croiser au grec ou dans le carré VIP. Je suis le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Même si tu veux rivaliser, le sang va pisser. J'essaye de tuer le temps, mais c'est le temps qui me tue. Depuis l'âge de 12 ans, mes couilles rayent le bitume. Je parle en code, au micro ou sur mon 06. Tous les quartiers en France m'écoutent, mais les RG aussi. Comment rester honnête quand t'as de l'amour pour le beef? Ce putain de flow, moi je l'ai trouvé dans une bijouterie. Je kiffe le son, les caisses, les sapes et le sport. Je t'ai pas dit j'aime aussi rentrer sans faire toc toc toc. Si tu me donnes pas de respect, je vais le prendre de force. Ta meuf le sait, je suis beaucoup plus frais que le plus frais de tes potes. Pas besoin de sécu, juste une ceinture pour tenir mon Glock. Si tu kiffes pas, tu remballes. Motherfuck, fuck, fuck. Yeah. J'voulais trouver du taf, on m'a dit t'es trop Kaira. J'voulais rentrer en boîte, on m'a dit t'es trop Kaira. Et rien que les keufs me cassent les couilles, j'suis trop Kaira. On m'a dit tu passeras pas en radio, toi t'es trop Kaira. J'voulais trouver du taf, on m'a dit t'es trop Kaira. J'voulais rentrer en boîte, on m'a dit t'es trop Kaira. Et rien que les keufs me cassent les couilles, j'suis trop Kaira. On m'a dit tu passeras pas en radio, toi t'es trop Kaira. J'ai galéré au quartier pendant des mois et des mois. J'ai tellement tenu les murs qu'ils en ont marre de moi. Toujours avec les poteaux, toujours au coin de la rue. Si je dors pas à la maison, je dors en garde à vue. Au lieu d'écouter les profs, j'écoutais mon Walkman. Ils disaient que j'étais con, mais j'ai quand même eu mon bac. Je jongle avec les mots, je suis le Ronaldinho du mic. Je suis pas chez Manpower, je suis chez Universal. Et j'ai tellement de paires de Nike et de casquettes différentes que je peux changer chaque jour, du 1er au 30. Tu me connais, je fais mes dièses en dièse, 31 dièse. La police.